idées flottent dans mon esprit. Un jour je serai foutu. Je ne veux pas être déçu. Comme quand on a des regrets. Comme quand on vit à moitié. Quand s'en va la liberté. Rien n'est plus futile. Rien n'est plus fragile. Viens, ne restons pas là. En route démarre. Je veux voir d'autres cieux. Quand on en aura marre. Peut-être qu'on sera vieux. Parti, je vois plus clair dans mon esprit. À chaque pas dans l'inconnu, c'est l'aventure dans chaque rue, comme dans un nouveau rêve, comme quand l'ennui s'achève. Comme quand monte la sève. Rien n'est plus fort. Rien n'est plus fou. Viens, ne restons pas là. En route démarre. Je veux voir d'autres cieux. Quand on en aura marre, peut-être qu'on sera vieux. En route démarre, je veux voir d'autres cieux. Quand on en aura marre, peut-être qu'on sera vieux. Thank you.